Et pour terminer, le dernier épisode dans la saga de The Artist, Fabienne Sinter. The Artist, qui est toujours à l'affiche dans 580 salles, sortira en DVD le 14 mars. Avec plus de 100 récompenses récoltées à travers le monde, le film peut rentrer dans le livre des records. Petit retour sur ce succès historique. Présenté à Cannes en mai dernier, le film de Michel Hazanavicius y a obtenu sa première récompense, le prix d'interprétation masculine décerné à Jean Dujardin. Sa sortie en salle, le 12 octobre, a été suivie par plusieurs récompenses, dont 3 Golden Globes à la mi-janvier. Après 10 nominations aux Oscars, le film, muet et en noir et blanc, est ressorti dans les salles fin janvier. Le 24 février, le film a dominé les Césars. Il a gagné 6 trophées, dont ceux de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice attribués à Bérénice Bejo. Consécration finale 2 jours après aux Oscars, où The Artist a remporté 5 statuettes. C'est le premier long-métrage français qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Si vous faites partie des nombreux fans du film et de Jean Dujardin, vous pourrez donc le voir et le revoir chez vous avec la sortie du DVD.